Alors, salut tout le monde! Petit segment spécial en début d'émission, comme Pierre l'a mentionné. Alors, j'espère qu'il va l'avoir mentionné. C'est une entrevue spéciale. Spéciale parce que, premièrement, c'est la première fois qu'on fait une entrevue et j'espère que c'est pas la dernière fois parce que bon, je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire ça. Et spécial aussi parce que, écoute, c'est la sortie ce week-end du film Le Scaphandrier. Un des premiers, ou en tout cas un des. Non, pas des premiers, faut pas dire ça. C'est un des peu nombreux films d'horreur québécois, films du genre. Et on a avec nous Alain Vézina, le créateur, réalisateur du projet. Et avec moi, Jean-François, évidemment, que vous Allô. connaissez. Alors, salut Alain. Bonjour. Alors, Alain, grosse semaine, grosse fin de semaine qui s'en vient. Oui, oui. Je suis un peu fatigué parce que, écoute, juste aujourd'hui, je pense que j'ai donné six interviews téléphoniques. Je suis allé à Montréal en faire une à la radio. Samedi, je suis à RDI Weekend. Juste avant, je suis à LCN. Je suis allé à V. En tout cas, je me promène beaucoup. C'est bien. Ben oui, Parce que exactement, c'est ce que j'allais dire. ça nous fait de la promotion. Et moi, je me suis vraiment donné comme mot d'ordre de ne décliner aucune offre d'entrevue. J'ai accordé des entrevues à des radios universitaires, puis c'est génial parce que mon film, je pense que la tranche d'âge visée, c'est davantage les jeunes. Donc, j'étais très heureux de les faire. Puis, pour moi, donc, je veux vraiment parler à toutes les personnes qui veulent bien me parler Ben oui, au sujet du exact. film. Ben oui, parce que, ben écoute, ce qui est le fun, c'est que là, je vois que tu as fait des entrevues qui vont essayer d'aller chercher le grand public, tu sais, LCN, RDI. Mais Ah là, ouais. écoute, on va parler des vrais fans d'horreur. Donc, ce Ah, qui est le oui, je fun, peux. c'est que plus besoin d'expliquer rien. Tu peux utiliser tous les termes que tu veux, les Toutes les expressions, références que toutes tu les veux. Comme références les plus obscures. Scream Queen, puis ouais. Oui, tu peux tout utiliser ça sans être obligé de John l'expliquer. Carpenter, cool, bon, parfait ça. Je suis Ouais. content. Écoute, vas-y, Fait plusieurs. excuse-moi, Sébastien. Alain, le Scaphandrier, c'est ton premier long métrage de fiction, c'est ça? Oui. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le cinéma? Ouais, ben moi, écoute, j'ai toujours étudié en cinéma. J'ai fait un DEC en cinéma, un bac, une maîtrise. Puis c'est sûr que ça, éventuellement, ça m'a amené à l'enseignement. J'aime beaucoup enseigner. Je peux présenter à mes élèves du Dario Argento, Mario Bava, des trucs qu'ils verront pas nécessairement avec d'autres profs. J'en suis très, très, très content. Et parallèlement à mon travail d'enseignant, écoute, j'ai fait de la critique de cinéma pendant 10 ans pour la revue Séquence. C'est moi qui couvrais notamment le festival de Fantasia Montréal. OK. Donc, c'était vraiment génial. Puis, je tournais du documentaire, essentiellement des documentaires sur des tragédies maritimes, qui rencontraient quand même une bonne diffusion parce que mes documentaires étaient produits de manière totalement indépendante, mais ensuite ils étaient distribués par l'Office national du film du Canada, donc qui eux ont pu vendre mes documentaires dans d'autres pays. Récemment, fin décembre, j'ai un documentaire qui a joué à la télévision norvégienne et c'est intéressant. Puis aussi, j'ai écrit quelques bouquins, notamment moi j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les monstres japonais. Je suis un grand fan de Godzilla. Je voulais réhabiliter l'image de Godzilla dans le monde de la critique bien-pensante, là, que les gens cessent de dire que Godzilla, c'est pour les enfants. Puis non, il y a une esthétique derrière les films japonais. C'est Jitsu Buraya, c'est un grand maître des effets spéciaux. Honda, c'est un très grand réalisateur. Puis Écoute, quelques anthologies. on sent notre collègue Pierre ici qui doit écouter l'entrevue puis qui voudrait juste jaser de toi et de Godzilla pendant des heures. Jean-François, c'est la même chose. Ils ont un projet de podcast avec Horror Gamer qui s'appelle Le projet Projet Chihiro. Chihiro, qui ne font Ah, que critiquer des films de kaiju. Donc, ça et... c'est c'est surtout génial. Pierre le connaisseur. J'ai tellement plein de questions quand tu parles, puis j'ai tellement d'autres questions qui me viennent en tête, comme par rapport à ta passion pour l'horreur et tout ce qui entoure ça. C'est né comment? C'est quoi les premiers films que tu as vus ou les premiers livres que tu as lus dans Écoute, l'horreur? Moi, quand j'étais petit, je regardais, ben, j'aimais les films de monstres. Puis ma mère aussi, ma mère aimait beaucoup le cinéma, mais ma mère aimait le cinéma d'horreur. Donc je me rappelle, je sais pas si ça vous dit quelque chose dans votre coin, ce cinéma de 5 heures Oui. sur la chaîne Avec Jean chez Ducharme. nous. Ouais, le 12 Jonquière, je crois, là. Puis on présentait beaucoup de séries B et ça, je regardais ça religieusement. J'allais au cinéma avec ma mère voir des Godzilla, des King Kong, des trucs comme ça. Et dès qu'il y a un film, par exemple de la Hammer qui jouait à la télé, là, Dracula avec Christopher Lee, là, j'étais toujours devant la télé, donc j'adorais ça. Puis à l'adolescence, ben moi, j'ai vécu mon adolescence pendant les années 80. Donc les années 80, c'est la télé payante qui apparaît, c'est la vidéo domestique. Moi, je me rappelle même les deux premières cassettes VHS que j'ai louées. J'avais 13 ou 14 ans, puis les deux premiers films que j'ai loués quand mon père nous a donné à la famille une VHS, c'était L'Opéra de la Terreur puis Creepshow. Ça, c'est les deux premiers films que j'ai regardés en VHS. Genre, je m'en rappelle, j'ai un souvenir impérissable. Belle façon Puis. de débuter une longue continuité d'écoute de films. Ah oui, puis je regardais beaucoup des magazines traduits en français, Creepy, Eerie. Je lisais des BD de Marvel traduits aux éditions Héritage. Puis tout ça fait en sorte que j'ai toujours, toujours aimé ça. Puis je continue. Puis ben voilà, le scaphandrier, ben c'est un peu un hommage à tout ça, à cette nostalgie aussi de ce cinéma-là. Puis d'ailleurs, justement, tu sais, là, tu me disais, tu étais dans le documentaire, quand même en lien avec avec le scaphandrier, étant donné que c'était des catastrophes maritimes et tout ça. Mais comment on réussit à passer du documentaire, parce que tu en as fait quand même plusieurs, et là, tout d'un coup, on se dit, bon, là, je suis prêt, j'ai les moyens, les contacts, mais je fais enfin mon film de fiction, parce que j'imagine que ça faisait longtemps que ça te trottait en tête. Ouais, puis écoute, j'ai beaucoup aimé faire mes documentaires, mais à un moment donné, je faisais un peu du documentaire par défaut. C'est-à-dire que je me disais, ben si je me fais un bon nom en faisant du documentaire, je suis capable de livrer la marchandise avec peu de moyens, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un va me faire confiance, puis je vais pouvoir avoir du budget pour faire, bon, un film de fiction, même si, bon, on n'est pas dans le documentaire. Il y a quand même cette idée où j'étais capable, avec peu de moyens, de livrer des documentaires distribués à l'international par l'ONF qui ont joué à RDI, Historia en Italie, en Norvège, en France. Puis je me disais, ben, c'est une belle carte de visite, c'est une belle feuille de route. Et ça me nuit parce que, contrairement à ce que je pensais, parce que quand on a déposé le projet du scaphandrier, les institutions, c'était toujours la même rengaine. Ouais, mais il a juste tourné du documentaire à l'Invisina. Donc, Ouais, hein? comment on peut savoir qu'il peut tourner de la fiction, tu sais? Puis ça, à un moment donné, tu dis, ben écoute, là, je suis d'accord qu'on n'est pas, c'est pas la même chose, mais il y a quand même, surtout moi, dans certains de mes documentaires, parfois je faisais un peu de reconstitution, donc parfois il y avait des comédiens qu'il fallait diriger et tout. Et finalement, ben bon, il faut croire que ils ont des institutions, en fait, Téléfilm Canada a passé par-dessus ça et m'a accordé sa confiance. Ça, oui, et puis c'est tant mieux parce que quand même, budget de 2 millions pour le film, c'est fun parce que tu passes quand même de, comme tu dis, des documentaires que tu y allais avec les moyens du bord et là, on te donne quand même, mais comme on disait un peu avant l'entrevue, c'est pas le budget le plus faramineux, mais quand même au Québec, ça reste un bon budget. Ouais, moi je pense que, écoute, je dis ça, puis je vais voir, on va voir la réaction des gens en fin de semaine, mais je pense que les gens vont avoir l'impression de voir un film avec le scaphandrier qui a coûté beaucoup plus cher que 2 millions. OK. On s'est débrouillé, on a trouvé des idées parfois pour pallier le manque de moyens. Vous avez sûrement vu la bande-annonce. En fait, il Oui. y a le teaser que la bande-annonce. Puis je pense que la bande-annonce traduit bien l'univers, le look de mon film. Je pense que les zombies sont quand même assez bien réussis. Je voulais pas t'interrompre, mais j'allais le dire que la bande-annonce quand même donnait l'impression que c'était un film qui avait coûté plus cher que ça, je trouvais. Oui, clairement, écoute, on a une scène d'un sous-marin, des hélicoptères dans le ciel, les zombies qui débarquent d'un navire fantôme. Moi, je crois qu'on a réussi. Je pense qu'on s'en est bien tiré. Je pense, en fait, j'ose le croire. Mais bon, c'est aux gens c'est le public qui a le dernier mot, hein, donc c'est aux gens de juger si oui ou non on s'est bien acquitté de la tâche. Et d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, justement, c'est à vous de juger. Et avant de juger, allez le voir, le film, s'il vous plaît. Parce que c'est pas trop long que les passions s'enflamment. On a vu ça rapidement. C'est fou, là, les gens qui réagissent vite aux bandes-annonces depuis longtemps. Puis Il y a des on veut. gens, oh, mais il y a des gens des fois qui ont une réaction très virulente. Puis moi, je suis allé sur les forums, puis les pages Facebook de gens qui aiment l'horreur. Puis parfois, j'intervenais. Il y a des gens qui me disaient, un exemple, ouais, mais quelqu'un qui avait écrit, parce que dans la bande-annonce, on voit un zombie qui enfonce la fenêtre d'une voiture avec une pelle. Puis il dit, voyons voir des zombies qui se servent d'outils. Enfin, ça se peut pas. Ben, j'ai Voyons répondu, donc. excuse-moi là, mais le Night of the Living Dead de George Romero, qui est le film fondateur du mythe du zombie au cinéma, là, on s'entend là. Ben, au tout début, là, quand le zombie arrive dans le cimetière puis que la fille se réfugie dans l'auto, ben, le zombie, il prend une grosse roche puis il fracasse Hey, dans Return le of the Living vendredi. Dead. Dans Return of the Living Dead, on a quand même un zombie qui cale des renforts d'un char de police, là, tu Ben oui, tu sais, more brains. Tu sais, c'est sais. ça, clairement. Donc là, tu es là puis tu te dis, voyons donc. Puis à un moment donné, c'est comme. Garde, là, il y a un autre à un moment donné, je mets une image sur mon Facebook, c'est une image où on voit tous les zombies à contre-jour. Puis je dis, c'est un peu mon hommage à The Fog de John Carpenter. Il y a quelqu'un qui dit, bon, encore un remake. C'est pas un remake! Je fais un hommage à un film. J'ai pas fait le remake de The Fog. Donc des fois, les commentaires des gens, c'est assez ahurissant. Mais heureusement, en contreparties, il y a des gens qui sont. C'est vraiment le fun d'échanger avec eux. Puis moi, Scaphandrier, écoute, je me dis, bon, si le film se plante, je le souhaite pas, on s'entend. Mais au moins, ça m'a permis de vivre une super expérience. Mais aussi, écoute, mon nombre d'amis Facebook a augmenté d'une manière incroyable. Puis c'est des gens, des fans de films d'horreur. Puis j'échange beaucoup avec eux, puis je suis devenu membre de plusieurs groupes, notamment collectionneur de films d'horreur au Québec. J'ai bien ben du fun d'aller sur ce site-là parce qu'on échange beaucoup. J'aurais dû le faire avant, j'aurais pas dû attendre le scaphandrier, mais le scaphandrier était pour moi une opportunité de rencontrer via Facebook, rencontrant entre guillemets, on s'entend, des fans du genre parce que. Il y a une belle communauté, puis je pense que c'est bien qu'on échange entre nous. Jean-François, Oui. veux-tu y aller? Moi, j'avais une petite question pour revenir. Tantôt, tu m'as parlé du début, comment ça a commencé ta passion en horreur. Moi, je voulais savoir aussi, en parallèle de ta passion pour les naufrages maritimes, juste me raconter ça brièvement. Pourquoi tu t'es dirigé vers ça dans tes documentaires, puis tu as continué dans ton long métrage à aborder ce sujet-là? Ma réponse va peut-être va être un petit peu drôle. Bon, moi, quand j'ai beaucoup aimé le Titanic de Cameron, puis j'ai grandi sur le bord du fleuve. Tu sais, j'ai grandi à Rivière-du-Loup, puis à un moment donné, j'avais entendu parler d'un naufrage, d'un gros naufrage dans le bas du fleuve, l'Empress of Ireland. Puis à l'époque, c'était un naufrage qui était à peu près, qui n'était pas très documenté, on en savait peu. Tout simplement, je me suis dit, il y a sûrement un documentaire qui a été fait sur le naufrage d'Empress of Ireland. Et il n'y en avait pas. Ben, je dis, il n'y en a pas, je vais le faire. C'est un peu simple, un peu terre à terre. Puis c'est un peu comme ça. Et là, j'ai fait l'Empress qui a bien marché, distribué par l'ONF. On a fait des belles ventes tant ici qu'en Europe. Puis j'ai comme continué sur cette lancée. J'avais beaucoup aimé l'expérience avec l'Empress. Et ensuite, j'ai continué avec les sous-marins allemands dans le fleuve Saint-Laurent, le 890 et tout ça. Et c'est un peu comme ça que ça s'est, cette filmographie de documentaire s'est bâtie. Puis, Vas-y, vas-y. oui. On saute peut-être du coq à l'âne, mais je regarde, ça reste qu'on est un podcast, on peut. Je me demandais, parce que là, on a tout vu ta bande-annonce, et on a quand même vu dans ta bande-annonce Raymond Bouchard et Béatrice Picard, et là, on se dit, waouh, ça, c'est, écoute, ça, c'est des belles surprises d'avoir ça. Pour nos auditeurs français, allez, on a pas quelques, mais une très grande partie de nos auditeurs qui sont des. Auditeurs d'Europe. Pour les auditeurs français, nos Raymond Bouchard et Béatrice Picard, ça se comparerait à quoi? Catherine Fraud. Non, pas Catherine Fraud. Ben écoute, c'est des vieux acteurs classiques qu'on voit Ben depuis le ouais, début quasiment de la télévision, là. puis pour nos amis français, Raymond Bouchard, présentement, il est en Belgique, il tourne en Belgique avec Christian Clavier, le film Les Profs 2. Bon. Donc, Raymond Bouchard a tourné dans une comédie très, très populaire là-bas, Les Profs. Il fait un prof de philo québécois qui débarque en France. Et là, il est en train de tourner Les Profs 2. Et c'est pour ça que malheureusement, il n'est pas avec nous pour la promotion du D'accord. Scaphandrier. Puis Béatrice Picard, ben, c'est elle qui fait la voix de Marge Simpson en français au Québec. Et pour les Français qui nous écoutent, elle le fait beaucoup mieux que la vôtre. Et ça, ce sera un autre débat. Mais donc, pour en revenir à ma question, Béatrice Picard et Raymond Bouchard, comment on les approche pour embarquer dans un Ben, trip comme ça? écoute, c'est d'abord, ben, c'est toujours le scénario. Et Raymond Bouchard est un fan de séries d'horreur et de séries américaines. Donc, moi, la première fois que j'ai vu Raymond Bouchard, on a parlé de Walking Dead, on a parlé de Game of Thrones. D'ailleurs, si vous regardez la première journée que j'ai travaillé avec Raymond sur les photos de tournage, j'avais un t-shirt Game of Je l'ai vu Thrones. dans les C'était vidéos très, sur ton site web. ben, c'était très tactique, ça, parce que c'était la première journée que je travaillais avec Raymond, puis je voulais vraiment, puis ça a marché. Il est arrivé, puis ah ouais, Game of Thrones, on a engagé la conversation, puis donc c'était le t-shirt Game of Thrones, c'était très stratégique. Puis je l'avais acheté la veille chez HMV, puis c'était comme bon. Puis Raymond, pour lui, c'était une opportunité parce que écoute, il me disait, j'ai toujours rêvé de faire ça, de tourner dans un truc un peu fantastique, un peu d'horreur et tout. Puis donc pour lui, c'était une opportunité à saisir. Puis Béatrice, elle, ben, je pense que dans le film, il y a quand même, il y a trois scènes qu'on a tournées avec elle, mais on a pu condenser ça quand même en une seule journée de tournage. Donc ça rentrait assez bien dans son agenda, d'autant plus qu'elle avait des répétitions pour une pièce de théâtre. Puis elle aussi, elle a aimé le scénario, puis elle trouvait qu'il y avait un côté un peu inhabituel à tourner un film comme ça au Québec. Puis, Colin, j'ai oublié ma question. J'espère que tu les as offert peut-être des morts le fun. Je vais pas vendre de punch. C'est bon. Je peux pas vous Mais bon, dire on sait que t'as tout. qui va survivre, qui va mourir. Faut aller voir le film. Ça, c'est bon. C'est bon. Excellente réponse. Mais bon, moi, si j'étais un fan de films d'horreur comme Raymond Bouchard, tu me sembles dire qu'il l'est et qu'il avait hâte de faire ça, je me serais quitté une petite mort juteuse. Mais ça, c'est un make-up. Je Là, je vois le temps qui passe, puis on veut pas te retenir trop trop longtemps parce qu'on sait que tu as fait beaucoup d'entrevues. Mais je voulais savoir, toi, tu as été critique, tout ça, puis comment tu vois le monde de l'horreur au Québec, au cinéma? Dans quelle direction ça s'en va d'après toi, tu sais? Moi, je pense que il y a un public pour l'horreur au Québec. Vous représentez ce public-là. Moi aussi, je le représente. Toutes les fans, on les connaît, on se parle. C'est les gens qui fréquentent les Comic-Con de Montréal ou Québec. Ils aiment le fantastique, le surnaturel, les gens qui vont en Space, les gens qui vont à Fantasia et tout ça, Vitesse Lumière à Québec. Puis il y a beaucoup de gens qu'on connaît pas, mais des jeunes qui, avec les moyens du bord, tournent des trucs comme ça, tournent des slashers, tournent des. Le problème actuellement, c'est que les institutions qui financent sont réfractaires au genre. Tu sais, prends la SODEC. La SODEC, là, ils veulent pas mettre une scène dans du cinéma d'horreur parce que ça apporte pas de rayonnement culturel au Québec. La SODEC, ils veulent financer des films qui vont contribuer au rayonnement culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas grave si le film se plante en salle. L'important, c'est qu'il joue à Cannes. L'important, c'est qu'il joue à Berlin. L'important, c'est que. Puis même s'il y a 60 personnes dans la salle à Berlin, ben eux, ce qu'ils veulent, c'est que le cinéma québécois recueille des éloges, des échos favorables dans des festivals comme ça. Donc, si tu fais un film d'horreur, tu sais que tu n'iras pas à Cannes, tu sais que tu n'iras pas à Venise. Donc, du coup, la SODEC en a rien à foutre de mettre de l'argent dans le cinéma d'horreur. Donc, la SODEC finance majoritairement, je dis bien majoritairement, parfois il y a des exceptions, Trogi en est une, Mommy en est une autre, mais on voit parfois les critiques qui disent, ah, vous voyez, hein, le cinéma d'auteur cette année, c'est ça qui a marché au Québec, Mommy, bon, 3 millions et tout ça. Ouais, mais c'est parce que tu oublies les 15 autres films qui ont été financés par la SODEC, dont tu n'as jamais entendu parler, puis qui ont pas. Puis là, je vois les gens ici qui vont sûrement dire, ah non, mais l'art, faut pas que ce soit rentable et tout. Il faut faire attention à ça. Moi, je pense qu'on peut faire des films rentables, des films qui ont quand même une vocation artistique, mais qui peuvent quand même s'adresser à un public qui n'est pas trop restreint. C'est pas juste le public des cinémathèques, là, on s'entend. Et ça va. Et c'est pas parti pour changer. C'est ça qui est malheureux. Je suis très, très émotif là-dedans, mais je pense que moi, je ferai demain matin, je ferai un gros ménage à SODEC, premièrement, là, et je vous confie un truc, puis j'ai pas honte de le dire. Dernière rencontre que j'ai eue à la SODEC pour mon film, j'avais en face de moi un fonctionnaire qui confondait le style de mise en scène d'Orson Welles puis d'Alfred Hitchcock. Wow! Ok, non, non, non, Tu non. te dis, tu sais, moi je parlais à un moment donné du découpage en profondeur, grande profondeur de champ qu'on voit dans Citizen Kane, tu sais, la caméra de Nolan et tout ça. Puis là, lui, il se mêlait avec l'effet vertigo, là, tu sais, quand tu fais un zoom avant, un peu de travelling. Il me dit, oh, j'ai vu ça dans Citizen Kane, cet effet-là. Mais non, j'ai dit, Non. c'est Hitchcock, là, c'est vertigo. Là, tu veux pas trop t'obstiner, c'est ton chargé de projet. Mais tu sais, ça va pas bien quand t'as un. Puis j'ai appris que ce gars-là, c'est un ancien comptable là, qui était tout à coup recyclé en chargé de projet. Et Ils ont quand demandé un s'il type. était déjà allé au cinéma une fois, il a dit Ben oui. ouais, mais quand t'as un type à SODEC qui confond Hitchcock puis Orson Welles, ça t'en dit long Oui. sur parfois la pertinence de leur choix. Je dis, attention, la SODEC fait parfois d'excellents choix, mais parfois. Écoute, c'est très discutable, les films. Puis c'est sûr que là, il y a des gens qui vont dire, bon, c'est ça, c'est du ressentiment, t'as pas eu de l'argent de la SODEC. Peut-être, oui, OK, je l'admets, mais j'ai vu avec la SODEC comment ça se passait, puis c'est pas très. Les perspectives sont pas très enthousiasmantes pour faire du cinéma d'horreur au Québec, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un changement de mentalité drastique à la SODEC. C'est-à-dire, oui, continuer à financer du film d'auteur, c'est important du film d'auteur, j'en conviens, mais bordel, quand vient le temps de financer du cinéma de genre, il y a autre chose que la comédie, bon. C'est ça. Puis c'est dommage parce que les gens, après ça, ce qu'on entend souvent lorsqu'on écoute soit la radio ou le monde dans la rue, c'est qu'ils disent au Québec, tout ce qu'on sait faire, c'est des drames ou des films lourds. C'est plate parce que, en bout de ligne, ce que tu sembles nous dire, c'est que c'est ce qui se fait financer. Oui, c'est ce C'est qui fait. ça. Et il y a des gens qui veulent. Je sais pas si vous avez entendu parler de Turbo Kid. Oui. Ben oui. Turbo Kid, ils n'ont pas eu une scène de la SODEC non plus. Non, non, ils ont été obligés Hein, ils d'aller n'ont se pas faire eu. C'est la fun. Nouvelle-Zélande. Donc, Téléfilm Exactement. Canada a mis des sous. Ils ont complété leur financement avec la Nouvelle-Zélande. Mais si tu es Turbo Kid, tu es à Sundance à minuit avec des geeks dans la salle nostalgiques des films de la Canon des années 80. J'en fais partie. Hein? Bon, moi, les films de Yoram Globus. Oui. Les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren. Ninja 3. Oui. Et il y a. Ouais, c'est bon. La scène Ben, du V8. je suis encore dans le dame, hein? Oui. Et puis, écoute, la réponse est extraordinaire. Puis Turbo Kid, c'est un film qui va être un ambassadeur incroyable Oui. pour le Québec. Écoute, ils ont manqué Ironside. Puis, tu Ben sais, c'est oui. un Mad Max avec des jeunes en BMX. C'est écœurant, ça. Puis la SODEC, non, non, non. Donc, la SODEC, ils vont mettre leur argent dans un film qui ne sera pas présenté à un screening à minuit avec une bande de geeks nostalgiques des années 80. Ça, ils vont mettre l'argent dans un film qui va être présenté dans une salle silencieuse à Berlin avec des gens qui vont regarder le film, puis là, qui vont applaudir, puis là, vous allez voir ça. Ah, pluie d'éloges et tout. Tu sais, c'est un peu ça, quelque part, qui à mon avis, est problématique. Mais de mon point de vue, sont Un manque d'éclectisme. sont aveugles parce que tu l'as couvert Fantasia, puis il y a tellement, tu sais, il y a pas juste Fantasia, il y a tellement de festivals, Spasme, tu les as nommés, tout ça, qui couvrent le Oui. cinéma de genre, puis le public là-bas est quand même, voyons, ça y va en grand nombre, puis ça rapporte de l'argent, je pense. On Oui, nombreux, ben on oui. généreux. Ben oui. Et je te dirais, la SODEC, la SODEC donne un peu d'argent à Fantasia, mais avec des conditions très strictes. Et ça a pris du temps avant que la SODEC donne de l'argent à Fantasia. Puis tu as tout l'accueil critique aussi. Tu sais, Fantasia, c'est encore aujourd'hui, c'est tellement dommage, c'est regardé de haut par Oui. certains critiques. Tu sais, je ne veux Oui. pas les nommer, mais il y a des critiques à la presse, là. Fantasia sont là, puis ils vont snobber ça. Je m'excuse, Fantasia est un festival majeur. En Amérique du Nord, c'est le festival du cinéma de genre. C'est un festival qui a une notoriété internationale. Vraiment. C'est le fun d'aller à Fantasia. Je veux dire, bon, là, je peux moins y aller. J'habite plus à Montréal et tout ça. Puis quand on est papa, on se couche moins tard. Puis souvent, les films de fun à Fantasia, c'est à minuit. Mais il y a comme un. C'est tellement dommage. Mais Fantasia réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Puis en dépit du snobisme, d'une certaine critique, puis de fonctionnaires, Fantasia a réussi à s'affirmer. C'est une victoire éclatante pour le cinéma de genre, Fantasia. Hein? Pour le cinéma de genre au Québec, c'est une victoire Oui. vraiment éclatante. Puis je pense qu'avec le Turbo Kid et ton film sûrement et d'autres qui vont venir à, tu sais, je pense qu'à long terme, ça sera jamais. C'est sûr que l'horreur sera jamais. Il y aura peut-être pas de film qui va aller à la même place que voyons, Xavier Dolan ou des trucs comme ça, C'est ça. Mais mais. écoute, on va. Tu sais, il y a des festivals de films fantastiques en Europe, mais ça n'a pas l'aura, ça n'a pas l'éclat de festivals comme Venise, Berlin ou Cannes. Puis écoute, Alain, juste avant de se laisser, puis c'est peut-être c'est juste pour y aller plus mollo. Je sais que ces temps-ci, probablement que tu es débordé, mais tu as sûrement dû avoir le temps d'écouter un peu de films ces derniers temps, les films en tout cas. Puis là, allons-y avec une petite question légère. Qu'est-ce que tu as aimé ces temps-ci? Qu'est-ce que tu nous suggères d'écouter? Définitivement Dead Snow 2. Oui, ben oui. J'avais beaucoup aimé le premier. J'ai eu vraiment, vraiment, vraiment du fun. Je l'ai même écouté avec mon petit gars de 10 ans. Wow, Puis il a eu OK. bien du fun. Bah, ça, Donc, c'est inquiétez-vous pas, là, je suis pas en train d'en faire un psychopathe, là. Mais il y a eu du fun avec Dead Snow 2. Ensuite, ben, complètement opposé, je suis allé voir Birdman, forcément avec Michael Birdman. Ah. Keaton, que j'ai adoré. Le jeu de l'imitation, encore là, un coup de cœur, là. Je suis pas très original, là. C'est des films qui sont en lice aux Oscars, mais Birdman m'a vraiment impressionné. Une Mais tu vois, réalisation incroyable dans ce film-là. ouais, ben, tu sais, je parlais d'éclectisme tantôt, c'est ça. Ouais. C'est que tu peux aimer Birdman, puis tu peux aussi aimer Dead Snow 2. Ouais. C'est ça, puis je pense que c'est ça que certains fonctionnaires auraient besoin au Québec. Hey, je pense que c'était une excellente quote pour terminer cette entrevue-là. Je peux te Tu peux placer une aimer ça? dernière question? Oui, vas-y. Ok, moi j'avais une dernière question, c'est par rapport à la direction d'acteur pour les zombies. Je voulais savoir, tu as mentionné Romero tout à l'heure, puis c'était quoi ta philosophie sur le plateau? Comment tu dirigeais tes acteurs pour faire des bons zombies, là? En fait, on a répété, la première chose que j'aurais montré, c'est Walking Dead. OK. Donc, quand je les ai réunis dans une salle, on leur a montré Walking Dead. Puis j'avais la chance de travailler avec un cascadeur du nom de Tyler Hall, qui avait notamment supervisé des cascades dans le film Zombie malgré lui, dont le titre anglais, c'est A little bit zombie, c'est ça? Non? Non, T'as peu. ça c'est canadien. Ah Ben oui. c'est canadien aussi. Warm Bodies, ça se peut-tu? Ah, Non, ok, Warm Bodies, oui. c'est vrai, c'est ça le titre en français. On l'appelle C'est toujours Warm ça. Bodies. Bon, ben, Tyler avait déjà une expérience avec les zombies, puis je me suis beaucoup appuyé sur son expérience, c'était génial. Donc, mais je pense que les gens vont être ravis parce qu'ils bougent bien, hein. On a répété, donc, comment bouger, comment simuler des impacts de balles, comment agresser un être humain puis le manger. Donc, Cool. puis on avait beaucoup de sang, on avait beaucoup d'espèces de chair qui pouvait se mettre dans la bouche. Puis, on avait beaucoup de gens qui avaient travaillé sur Turbo Kid, qui ont travaillé sur Scaphandrier. Donc, notamment, je me rappelle, sur Turbo Kid, il y a une espèce de. À un moment donné, ils ont utilisé une espèce de canon qui lance de la chair et du sang. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Et on a eu ce superbe canon lance chair et sang dans le scaphandrier pour un plan. Donc, j'ai fait venir le gars de Montréal, à Rimouski, juste pour un plan, mais je le voulais. Mon producteur n'était pas content, mais je l'ai eu. Excellent. Ça donne encore plus le goût. Mais écoute, pour laisser nos auditeurs là-dessus, c'est que le film commence ce week-end. Là, comme on disait tantôt, avant de se faire une opinion, l'important c'est d'aller le voir. Puis là, pour ceux qui présentement sont en train de se dire, ouais, c'est ça en prend des films au cinéma au Québec. Ben, si vous avez ce discours-là, soyez conséquent avec le discours et allez le voir le film. Qu'il fasse Puis beau, pas beau. allez-y. Puis Là, allez-y oui. la première fin de semaine. Allez-y dès demain parce que la première fin de semaine, c'est déterminant pour un film québécois. C'est ce qui décide s'il reste en salle ou pas pour une deuxième semaine. Oui, puis on veut un grand succès parce que moi, à Chicoutimi, je ne l'ai pas. Puis je me dis que si le succès est bon, il va se rendre ici. Fait que moi, je veux le voir. Il est déjà programmé dans certaines villes, Rimouski, Rivière-du-Loup, Joliette. Donc, il est pas impossible que vous le retrouviez. C'est quoi, vous, le cinéma Place du Royaume, c'est Ouais, ça? c'est ça, mais c'est Ciné-Entreprise et sérieusement, en tout cas, je me lancerai pas dans les débats sur Ciné-Entreprise. N'ont pas le cinéma à Trois-Rivières? Je crois que oui, ça se peut. Ben, le scaphandrier, il joue à Trois-Rivières. Yes, sir. Donc, il y a de fortes chances qu'une fois qu'il va finir à Trois-Rivières, il va aller à Chicoutimi. Puis est-ce qu'on peut s'attendre peut-être, là, on parlait à nos amis français, est-ce qu'il y a peut-être des chances pour à l'étranger un peu? Oui, ben moi, un, je suis très content parce que j'ai eu une belle critique de la revue L'Écran Fantastique. Et on va être dans les pages de L'Écran Fantastique. Donc, il y a un chroniqueur de la revue qui a fait une entrevue avec moi, le producteur, puis le directeur des effets spéciaux. Et c'est sûr qu'au printemps, il y a des marchés, il y a un marché de films à Cannes. Donc, le film n'est pas projeté à Cannes, là, c'est impossible. Mais il y a quand même un marché. Puis bon, Pour c'est trouver un sûr que ce producteur, un distributeur international, c'est ça? distributeur étranger, effectivement. Donc, c'est fort possible que. Enfin, on souhaite que le scaphandrier, c'est le cas de le dire, traverse l'Atlantique, voir nos amis européens. On te le Super. souhaite. On te le souhaite vraiment, puis on souhaite que ça donne le goût à d'autres créateurs québécois. Regarde, je pense que cette année, là, pour le genre de l'horreur avec Le Scaphandrier et Turbo Kid, c'est une belle année pour le genre Belle année. d'horreur au Québec, là. Discopathe aussi, Discopathe, Oui, Discopathe. qui actuellement fait un tabac en DVD en France. Là, Ah, c'est, cool. euh, et encore là, c'est un film, Renaud Gautier a fait ça avec les moyens du bord, sans financement. Et ça, ça, actuellement, ça marche très bien en France. Super. Écoute, merci beaucoup, Alain, Oui, de t'être merci. Ça fait prêté au jeu de plaisir. l'entrevue aussi tard. Écoute, on va te laisser te reposer parce que demain est une grande journée pour toi. Oui, je suis à Québec d'ailleurs demain, je suis à Beauport pour présenter le film. Ah, c'est à Beauport que tu y seras, OK. Ouais, c'est drôle, ça va être à Beauport, donc je suis content parce qu'on va être là. Je suis là avec Édith Côté-Demers, Éric Gagné, qui est le scaphandrier, puis le directeur photo. Donc on rencontre les gens de Beauport de Québec demain. Super. Dernier mot, Jean-François? Ben, merde pour le film. Amuse-toi dans tout ça. C'est ton premier film. Fait qu'amuse-toi. Merci. Puis laisse-toi pas abattre par les. S'il y a des mauvaises critiques, on a parlé avant l'enregistrement, mais en tout cas, c'est ça. Amuse-toi Ben, avec. rien pour Envoie-leur. attendre. Mais c'est ça. C'est ce qu'affiche Si son le nom, film c'est ça? marche bien, si le film marche bien en salle, tu sais, La critique, je m'en fous. Parce que on fait pas un film pour les critiques, on fait un Non. film pour le public. Oui, c'est ça. Puis c'est au public de faire leur propre critique. Donc, Exactement. merci beaucoup, Alain, et c'est à toi, Pierre.